عبده ورسوله أما بعد فنواصل دراستنا وقراءتنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد توقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه قال وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره قال فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة وقلنا ما هي المحبة قال العلماء ما هي المحبة قالوا المحبة هي غاية الحب مع غاية الذل Et donc on va reprendre directement où on s'est arrêté dans la dernière assise en implorant Allah, en invoquant Allah qui nous accorde l'insincérité à travers nos paroles et nos actions. Donc on est toujours sur l'étude et la lecture de cette immense œuvre du grand savant Taqiyuddin Ahmad ibn Ali al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala dans son œuvre intitulée Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Et donc dans la dernière assise, on s'est arrêté lorsque l'auteur dit « وَإِذَا تَأَمَّلَ اللَّبِيبُ الْفَرْقَ بَيْدَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ » Donc l'auteur nous dit « Si la personne, al-labib, qu'il décrit comme étant al-labib, médite et observe bien ses différents propos, quels propos ?» Il sous-entend les différents propos, les différentes pensées qu'on a mentionnées dans les assises précédentes concernant la question, l'utilité et la sagesse qu'il y a derrière les prescriptions divines, derrière les prescriptions ou la prescription de l'adoration. Quelles sont les sagesses et l'utilité et les bénéfices qu'il y a derrière les adorations. Donc on a traité de ce sujet-là. Et donc l'auteur dit, si on observe, si al-labib, il observe cela, alors il verra la différence qu'il y a entre ces différentes tendances. C'est-à-dire ces différentes pensées. Et donc, dans le sens, إِذَا تَأَمَّلْتْ هَذَا تَبَيَّنَ لَكَ الْحَقِّ Donc si tu observes ces différentes pensées concernant cette question qu'on vient de citer, alors la vérité sera éclaircie devant toi et tu comprendras qu'Allah a créé cette création. Pour quel but, pour quel objectif, quelle est la sagesse derrière la création? C'est l'adoration du Créateur. Tu comprendras qu'Allah a créé ce monde, a créé cet univers, a créé les êtres et les créatures pour l'adorer, pour qu'il soit adoré, subhanahu wa ta'ala. Donc si le croyant et la croyante ont compris cela, à ce moment-là, l'auteur soulève une question très importante. Ma hiya al-ibada? Idha araft wa idha alimta bi anna Allah jalla wa ala khalaqaka li'ibadati. Si tu sais qu'Allah jalla wa ala t'a créé pour son adoration, ma hiya al-ibada? On s'est arrêté dans la dernière assise lorsque l'auteur nous dit فَلَعِبَادَتُ En réalité, l'adoration d'Allah Azza wa Jal réunit deux choses essentielles, deux choses importantes. On avait dit ce qu'on appelle رَيَةُ الْحُبْ مَعَا رَيَةُ الذُّلْ C'est l'extrême amour pour notre Créateur avec ce qu'on appelle الذُّلْ, c'est une sorte d'humilité. Lorsqu'on est humilié devant le Créateur subhanahu wa ta'ala. Puisque comme on l'a dit, on est tous fuqara à même Allah Jalla wa Ala. On est tous indigents et pauvres devant Allah subhanahu wa ta'ala. On est tous des serviteurs indigents et pauvres devant notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc si ce n'est pas notre Créateur qui nous sauve, le jour de la rétribution, qui est-ce qui va nous sauver? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour s'est adressé à sa famille et à son clan en disant « Inni la ugni ankum min Allahi shay'a » Certes moi je ne pourrai rien pour vous. Il s'adressait à son clan, aux membres, à ses proches, aux membres de sa famille, jusqu'à même à sa fille, en lui disant « Ya Fatima, oh ma fille Fatima qui était sa bien-aimée, inni la urni عنك من الله أو عند الله شيئا. Je ne pourrai rien pour toi عند الله. Donc le serviteur, si ce n'est pas Allah Jalla wa Ala qui le sauve, personne ne pourra le sauver le jour de la rétribution. Le serviteur a besoin de son créateur, il a besoin de son seigneur subhanahu wa ta'ala. فَنَحْنُ فُقَرَى إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. On est tous des indigents, des pauvres devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre adoration se fait avec amour pour notre créateur, mais رَيَّةُ hub, un amour, on dit رَيَّةُ hub, c'est-à-dire un amour intense, extrême, qui ne convient avouer que pour notre créateur. مَعَا, et ça c'est mêlé de الذُّل. الذُّل qui est l'humilité, l'extrême humilité devant notre créateur. De sorte qu'il faut les deux. Et l'auteur dit, s'il n'y a pas les deux, c'est pas l'ibada, c'est pas l'adoration. Il faut les deux. Par exemple, s'il y a mahabba ou hub bila dhul, ce n'est pas l'adoration. Ou s'il y a dhul bila mahabba, humilité sans amour extrême, c'est pas l'adoration. Il faut les deux. C'est pour ça que on avait conclu notre assise hier avec une très belle faïda de l'auteur de Ifadat al-Mustafid, lorsqu'il dit فَلَا يَكْفِي الْحُبُّ مِنْ دُونِ تَذَلُّلُ وَلَا يَكْفِي التَّذَلُّلُ مِنْ دُونِ مَحَبَّةٍ فَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ دُونَ الْآخَرِ فَأَنْتَ تُحِبُّ الزَّوْجَةَ وَتُحِبُّ الْمَالَ وَتُحِبُّ الصَّدِيقَ وَتُحِبُّ الْوَالِدَيْنَ وَلَكِنْ لَا تَذِلَّهُمْ لَا تَذِلَّهُمْ وَهَذَا لَيْسَ عِبَادَةً هذه محبة طبيعية لذلك هذا يسمى أو هذه تسمى محبة طبيعية. C'est pour cela que on aime des êtres vivants comme nos parents. L'homme aime son épouse, aime ses enfants, aime son ami. Mais cet amour n'est pas mêlé de التذلل. Il n'est pas mêlé d'humiliation et d'humilité, ce qu'on doit mêler au Créateur. Donc ça, c'est pour ça que c'est pas considéré comme un amour d'adoration. Pourquoi ? C'est un amour tabi'i, qui est naturel. Et l'amour naturel est permis. On aime les autres, sans que ce soit forcément une adoration. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas avouer adoration autre que le Créateur subhanahu wa ta'ala. Wal mahabbatu min al-ibadat allati la tusraf illa lillahi azza wa jal. Qala, walakin la tadhillahum, wa hada laysa ibadah. هذه محبة طبيعية لا تذل من غير محبة من غير محبة كما تذل الجبابرة والملوك والطغاة. Et aussi parfois à l'inverse, on peut être humilié face à des gens, face à un tyran, face à une autorité dont on craint, mais il n'y a pas rayat al-hub, il n'y a pas cet amour, donc c'est pas considéré comme de l'adoration. Donc pour le créateur, il faut que ces deux choses soient unies. Il faut rassembler entre rayat al-hub وغاية الذل. Il faut réunir les deux choses. تتذلل لله عز وجل وتحب الله عز وجل وهذه هي العبادة. فلا عبادة من دون هذين الأمرين. Donc l'auteur, regardez à la fin qu'est-ce qu'il dit. فلا عبادة من دون هذين الأمرين غاية الحب مع غاية الذل وهذه الكلمة تحفظ. هذه الكلمة تحفظ. Cette parole-là, il faut la mémoriser, il faut l'apprendre. L'auteur dit, فَلَا عِبَادَةَ, il n'y a pas d'adoration, مِنْ دُونِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ, sans ces deux éléments essentiels. Je vous traduis littéralement la parole du Cheikh. Je vous la répète, il n'y a pas d'adoration sans ces deux éléments essentiels. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Il n'y a pas d'adoration, فَلَا عِبَادَةَ مِنْ دُونِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. Ces deux éléments essentiels qui sont Rayatul Hub ou Rayatul Dhul, l'extrême amour avec l'humilité. Et sans ces deux-là, l'auteur nous dit qu'on ne peut pas parler d'adoration. Et ça, c'est très important. Pour cela, dans An-Nuniya, on avait cité le vers, les poèmes, une partie du poème, quelques vers de An-Nuniya, où que l'auteur Ibn al-Qayyim dans An-Nuniya, il parle de l'adoration. Et il dit, qu'est-ce que l'adoration ? Il dit, وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَيَةُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ وَعَلَيْهِمَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِرٌ مدار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. Ça, ces vers-là, il faut les apprendre aussi d'Ibn al-Qayyim dans An-Nuniya, c'est un très beau vers. Une partie du poème, il y a trois vers, très beau vers, où il dit وَعِبَادَةُ الرَّحْمَانِ et l'adoration du miséricordieux, il dit c'est رَيَةُ حُبِّهِ رَيَةُ حُبِّهِ. C'est l'adoration du miséricordieux se fait avec cet amour qu'on appelle رَيَةُ حُبِّهِ, cet amour intense. Et donc, Ibn al-Qayyim va expliquer que l'adoration, justement, que l'adoration tourne autour de ces deux choses-là. L'adoration du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Pour avancer, on va avancer, on continue. Ensuite, l'auteur, regardez ce qu'il dit. Très important. Pourquoi ? Parce que nous, le sujet de l'adoration pour les musulmans et les musulmanes, c'est le sujet le plus important. C'est pour cela que l'auteur, vous avez vu, il évoque différentes questions liées à l'adoration. Et il a détaillé justement le sujet de l'adoration. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit, c'est l'objectif à réaliser. C'est le but du croyant. C'est l'objectif suprême pour le croyant. Qu'est-ce qu'il faut réaliser dans cette vie d'ici-bas ? L'adoration de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on a été créé. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On avait dit, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, on avait dit, c'est لَمْ التَّعْلِيلِ. اللَّمُ هُنَا لَمْ التَّعْلِيلِ, c'est-à-dire, c'est le لَمْ qui sous-entend la cause et l'objectif pour laquelle nous fûmes créés. عِبَادَةُ اللَّهِ, pour l'adoration d'Allah. Donc de cette considération-là, chacun comprendra que le sujet plus important pour le croyant, le sujet qui nous est cher, c'est l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration ? Alors si on apprend beaucoup de sujets et on traite de d'autres sujets et on n'a jamais traité le sujet de l'adoration, on ne s'est jamais approfondi sur le sujet de l'adoration, on est en train de passer à côté de la priorité. La priorité pour le croyant dans cette vie d'ici-bas, c'est d'accomplir l'adoration. Ce but pour lequel Allah Azza wa Jal nous a créés. Donc, l'auteur a cité différentes questions liées à l'adoration. Mais ensuite, regardez qu'est-ce qu'il dit. Et ça nous est cher. Cette parole est très importante pour nous. Il dit, « Aslu l'ibadati mahabbatullah ». Regardez ce qu'il dit. Il dit, « La base de l'adoration ». L'élément essentiel pour l'adoration, vous savez ce qu'il dit, c'est quoi ? La réponse est très importante. Il dit, c'est le mahabba, c'est l'amour. Mahabbatullah, l'amour du Créateur. Al-asl. Donc vous avez pu voir hein, que tout au long de l'œuvre, l'auteur parle beaucoup de ce sujet, le mahabba. Mahabbatullah. Sans cesse, il en parle. Pourquoi ? Parce que c'est l'élément essentiel. قال فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بهذه المحبة. Il dit, et plutôt même, il dit, c'est d'unifier Allah Azza wa Jal à travers cette adoration. Et entre guillemets unifier, certains spécialistes de la langue française et de la langue arabe font un nazar. Il y a une réflexion sur le terme unifier. Unifier. Ici, c'est d'affirmer. On restera sur différents termes, d'affirmer l'unicité d'Allah Azza wa Jal concernant l'amour. C'est-à-dire que cet amour-là, qui est considéré comme ibadatun ibada, mahabbatul ibada, l'amour qui est considéré comme adoration, que cet amour-là ne soit voué qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous retrouverez dans différents livres et dans d'autres œuvres que certains savants ont très bien détaillé le sujet de l'amour, en détaillant qu'il y a un amour naturel, un amour de désobéissance, un amour d'adoration, un amour secret, etc. Différentes catégories d'amour. Donc il y a, comme on a cité précédemment, un amour qu'on appelle d'adoration, un amour de désobéissance, un amour naturel et autres catégories d'amour. Sauf que celle qui est considérée comme amour, ibada, L'âme hors d'adoration, celle-ci ne doit être vouée qu'au Créateur Subhanahu wa Ta'ala. Et d'ailleurs, c'est pour ça que de grands éminents savants, érudits, spécialistes de ces questions, disent de toute manière, deux amours d'adoration ne peuvent pas cohabiter dans le même cœur, dans un seul cœur. L'individu devra faire un choix. Pourquoi ? Parce que l'amour d'adoration qu'on voue au Créateur et qu'on voudrait vouer à un autre que lui, ne peuvent pas cohabiter dans un même cœur. Et donc, l'un des deux laissera la place à l'autre. Et de ce fait, Ibn Qayyim, dans un de ses livres, détaille cette question très pertinente en disant « Celui dont l'amour d'adoration d'un autre qu'Allah Azza wa Jal l'emporte sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci sera éprouvé par l'amour de ce bien-aimé. » Sera éprouvé par cela. Jusqu'à ce qu'ensuite, ça sera une épreuve pour lui. Et il sera tourmenté par cet amour-là. Il va vivre dans le tourment. C'est pour ça, l'amour d'adoration n'est voué que Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada asl al-ibada. Et ça, c'est la base, l'élément essentiel pour l'adoration. L'élément essentiel pour l'adoration. Et d'ailleurs, il ne peut pas avoir d'adoration sans amour. Ça, c'est quelque chose de clair. Il ne peut pas y avoir d'adoration sans amour. Mais aussi, il ne peut pas y avoir d'adoration sans tazallul. Il faut les deux éléments essentiels qu'on a cités précédemment. قال فلا يجوز أن يشرك مع أحد في المحبة التي معها ذل وخضوع. Sauf que regardez, cette parole est très pertinente. L'auteur, comment savoir? Et là, regardez en une phrase. C'est pour ça les grands savants, la spécificité qu'ils ont, le fait de maîtriser un sujet, ils peuvent, avec quelques mots, résumer un sujet très important, subtil et sensible, en quelques mots, ils le résument d'une manière très simple, brève et concise, et ces quelques mots renferment des enseignements immenses. Comme cette phrase. فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدًا فِي الْمَحَبَّةِ اللَّتِي مَعَهَا ذُلْ وَخُضُوعًا. Comment on reconnaît cet amour d'adoration? Puisque le croyant, lui, ensuite, ne veut pas vouer cet amour d'adoration à un autre que son créateur. Pourquoi? Parce que vouer un amour d'adoration d'autre que son créateur, c'est lui donner un associé. Et Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Comment définir cet amour? Comment reconnaître cet amour qu'il ne faille vouer qu'au créateur? Regardez, il le dit. Il le dit, فَلَا يَجُوزُ. Donc il n'est point permis de donner un associé au créateur dans cet amour, qui est mêlé à du dhul et du khudu', qui est mêlé à l'humilité et la soumission. Et la soumission, la dévotion. Si cet amour, comme on l'a dit précédemment, il y a amour mêlé de tadhallul, de dhul ou al-khudu', c'est l'adoration. Celle-ci n'est que pour le Créateur subhanahu wa ta'ala. Wadah al-kalam, vous comprenez? Et on l'a détaillé aussi à la fin de l'assise dernière. Sauf qu'on va avancer parce que, très important, il y a d'autres questions qui sont très pertinentes, qu'on doit apprendre et étudier dans ce qui va venir. Qala, al-mahabbatu biduni dhul, na'am yujadu hadha. Wa dhul min duni mahabbatin yujad. Walakin la yusamma ibada. Et là, c'est très pertinent. La fin de cette phrase aussi du shir, il dit qu'il y ait de l'amour sans dhul, on peut rester maintenant sur le terme en arabe, sans humilité, révérence et humiliation, ça oui il y a, ça existe. Est-ce que ça existe? Naam, il dit ça c'est pas de l'adoration. À l'inverse, au dhul duna mahabbatin yujad, ou bien de cette humilité, sans d'humiliation, sans qu'il y ait de l'amour, est-ce que ça existe? Naam, il dit oui, ça existe. Sauf que ça ne s'appelle pas adoration. Ça ne s'appelle pas adoration. Regardez comment l'ilm, la science et le savoir, la connaissance, ça illumine le croyant et ça apaise. Ça apaise. Pourquoi? Parce que Shaitan exploite notre ignorance. Donc parfois Shaitan veut nous faire penser, lorsqu'il nous insuffle ces insufflations sataniques, il veut nous faire penser des choses à notre sujet sur nous, pour nous décourager. Il veut nous décourager. Par exemple, il y a des gens, parfois, Shaitan vient et commence à lui insuffler. Il lui souffle. El Wasawis. Il n'y a personne qui est exemple de Wasawis. Tout le monde est touché par El Wasawis. Après, chacun a son degré. Mais tout le monde est touché par El Wasawis. Et comme on l'avait déjà dit, tout le mal et la corruption qui se passe sur Terre, la base de tout, c'est un Waswas. C'est un Waswas de Shaitan. Alors, parfois, Shaitan vient et te fait douter. Te fait douter. À un moment donné, il t'insuffle, te souffle, et à ce moment-là, il te souffle et il te fait douter. Et là, il te fait croire, à ce moment-là, tu vas te dire, subhanallah, j'ai douté. Donc, j'ai pas la certitude. Donc, si j'ai pas la certitude, je suis hypocrite. Je suis hypocrite. Pourquoi ? Parce que le musulman ne peut pas douter. Le musulman ne peut pas douter. Ça fait partie des conditions, par exemple, de la ilaha illallah. La certitude. Al-yaqin. Le musulman, il a une certitude. Lorsqu'il témoigne et dit La ilaha illallah min shuruti la ilaha illallah annahu muqinan yatayaqqan wa muqin. Il est certain. Il n'est pas touché par l'inverse, ce qu'on appelle ash-shak wa ar-raib. Lorsqu'Allah décrit les croyants dans le Coran, il dit c'est ceux qui ont cru thumma lam yartabu. Thumma lam yartabu. Lam yartabu dans le sens ils n'ont pas de raib. Ils n'ont pas de doute. Ils sont certains. Donc la certitude, ça fait partie de notre foi. On est certain. Sauf que la différence, on peut être certain, on a l'yaqin, et Shaitan vient nous insuffler quelque chose, nous souffler le doute. À ce moment-là, il nous perturbe. Mais ensuite, lorsqu'on réfléchit, on repousse cette insufflation satanique. Qu'est-ce qui se passe ? On le repousse. Même si ça dure un certain moment, ensuite on va le repousser. Est-ce que ça veut dire que toute notre vie, on est dans le doute ? C'est ça qu'expliquent les savants. Vivre toute sa vie, dès le départ, il doute. C'est une chose. Mais dès le départ, il est certain, il a le yakin, et parfois, Shaitan vient lui insuffler le doute, et ensuite, il combat et il repousse cela. Ça, c'est pas vivre dans le doute. Ça, c'est des wasawis. Tout le monde peut être touché par cela. Mais Shaitan fait cela, ensuite, il va te dire, tu es peut-être hypocrite. Pour te décourager et pour alourdir la tâche et la charge qu'il y a sur toi. Ça fait partie de ses ruses et de ses stratagèmes. Et donc, le croyant, lui, qui a une clairvoyance, qui a une connaissance, la science l'apaise. Regardez le fait de connaître ça, c'est apaisant. Regardez ce que nous. Pourquoi je vous donne cet exemple ? Ce que nous dit l'auteur. Shaitan pourrait venir à nous du fait. Ça peut arriver qu'on aime une personne. On aime nos parents. L'homme, il aime sa conjointe, son épouse. L'homme, il aime ses enfants. Il se dit peut-être je suis dans le shirk. Je suis un mouchrik. Je suis un polythéiste. Et souvent, il y en a qui se posent cette question. Alors, la personne, avec cette simple phrase, regardez, une simple phrase, parfois la personne, il peut vivre dans le tourment pendant des années. Il pose la question à un shir, à un savant. Parfois on se dit, je pose la question, je pose pas la question. On hésite, je pose la question, tu ne sais pas, si tu poses la question, peut-être tu vas être soulagé. Des années de tourment. Une phrase d'un savant peut te soulager. Peut te soulager. Regardez l'auteur des quatre règles, lorsqu'il fait dua pour le lecteur, en disant « An yaj'alaka Allah mubarakan ayna ma kunt » Qu'Allah fasse que tu sois béni ou que tu sois. C'est quoi une personne qui est mubarak ? Même lorsqu'il donne conseil, lorsqu'il enseigne, il y a une baraka. Vous avez vu, il y a des savants, ils ont une baraka. Wahakada. Donc regardez cette parole. Si la personne se pose des questions parfois, est-ce que ton amour il est mené de dhul wa tadhallul ? Si tu vois que non, c'est pas la ibada ça. Et ça, des fois, on lit, mais on passe à côté. Alors que ça, c'est des enseignements qu'il faut apprendre et qu'il faut mémoriser. C'est très important. Si l'auteur nous explique que mahabbatul ibada, c'est quoi? C'est une mahabba qui est mêlée de at-tadhallul. Ghayatul hubb wa ghayatul dhul, at-tadhallul. Hadi al-ibada. Mais sinon, qu'il n'y ait que de la mahabba sans tadhallul, ou bien l'inverse, et dit hadi la tsamma mahabba. Et ça, c'est une parole très importante et qui apaise. Fala yuhib ma'ahu siwa. Et donc, cet amour d'adoration, on ne le voue que pour notre créateur, subhanahu wa ta'ala. Et tellement, regardez, l'auteur nous dit, aslul ibadatil mahabba. La base de toute adoration, de l'adoration, c'est l'amour. C'est pour ça que, regardez, dans le verset, Allah nous dit, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Pour cela, ce verset est très important. Allah nous dit, parmi les gens, il y en a qui aiment, en dehors d'Allah, des associés ou des idoles. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ils les aiment comme ils aiment Allah, Azza wa Jal. Mais ceux qui ont cru ont un amour plus grand pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, qu'est-ce qu'on apprend? فهذا فيه بيان أن من أشرك مع الله في المحبة محبة العبودية التي هي حب وذل فإنه يكفر بذلك. Là dans ce verset, on comprend bien aussi qu'à l'époque du prophète sallam, les polythéistes arabes du temps du prophète sallam, ils sont considérés dans le Coran comme étant des polythéistes arabes. C'était les antagonistes du prophète sallam, Abu Jahl ou Abu Lahab ou Haoula, Al-Mushrikoun, les polythéistes arabes. Est-ce qu'ils aimaient Allah? Ou bien ils aimaient pas Allah? Qu'est-ce qu'il peut me répondre? Ils aimaient Allah, bittifaq, il y a un accord? Aynam dalil. Ça, le verset le prouve, c'est Allah qui dit. Parmi les gens, il y en a qui prennent des andad, des semblables, Allah Azza wa Jal, en les aimant comme ils aiment Allah. Donc comment ils ont pris des anid? Andad, c'est le pluriel de Anid. Comment Allah a dit qu'ils ont pris des associés, des idoles à lui, des semblables à lui? Lorsqu'ils les ont aimés comme ils aiment Allah. Il n'est pas dit dans le verset qu'ils les ont aimés plus qu'Allah. Donc ça prouve qu'ils aimaient Allah et ils aimaient en dehors de lui des idoles et des fausses divinités. En aimant ces fausses divinités, Allah dit qu'ils ont pris des semblables. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ. Comment ils ont pris d'andad? En les aimant comme ils aiment Allah Azza wa Jal. Donc, il n'est pas nié que les polythéistes arabes à l'époque du prophète sallam aimaient Allah Azza wa Jal. Mais, ils aimaient des fausses divinités autant qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, ensuite, Allah dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Mais ceux qui ont cru, ceux qui sont croyants, ont un amour encore plus grand pour Allah, subhanahu wa ta'ala. فَنَسَلَّهَ جَلَ وَعَلَىٰ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الْمُحِبِّينَ لَهُ. Pour ça, on demande à Allah, azzawajal, on l'implore, qu'on fasse partie de ceux qui l'aiment véritablement, parmi ceux qui aiment notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. On avance. Puisqu'en réalité, l'auteur continue, c'est très pertinent, mais nous, il faut qu'on avance, puisqu'il y a d'autres questions à traiter. Et ça, il faut toujours bien le retenir, parmi les enseignements, c'est que asl al-ibadatil mahabba, la base, l'élément essentiel dans l'adoration, al-mahabba. Al-mahabba. Ça, c'est très important. Et donc, l'auteur ensuite dit, donc on avait lu toute cette partie en arabe, on avait lu aussi toute la traduction, et on est en train d'éclaircir certains points dans la traduction de cette dernière catégorie, la quatrième catégorie. Et donc là, on était arrivé à la partie lorsque l'auteur dit طيب. قال Et là, on va mieux comprendre maintenant, après qu'on ait expliqué, on va mieux comprendre. Donc, il dit, il suffit à la personne sensée. Donc, on reprend où on a commencé notre assise. De concevoir la différence entre ces différentes tendances et les textes explicites de la révélation pour se rendre compte qu'Allah créa les hommes pour une raison illustre. Autrement dit, il convient de lui vouer l'adoration à laquelle il faut ajouter un amour parfait, l'humiliation extrême et une complète soumission à ses commandements. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est là qu'il sous-entend, là sa traduction. L'amour, il faut avoir un amour complet pour Allah Azza wa Jal, mêlé, regardez ce qu'il dit, d'une complète, d'une extrême humiliation. Ça, c'est la traduction de Tadallul. Vous avez vu, donc là, il parle de Al-Mahabba, Al-Hub, wa Al-Tadallul. Et il va citer Al-Khudu'a, lorsqu'il dit une complète soumission à ses commandements. L'adoration consiste à l'origine à aimer le Seigneur. Ça, c'est la traduction de Al-Mahabbatu Asl al-Ibad al-Mahabba. L'amour consiste alors à l'origine aimer le Seigneur d'un amour exclusif. Regardez, d'un amour exclusif, sans le partager avec quiconque. Cet amour qu'on vient d'expliquer, il n'est pas partageable. On ne peut pas le partager. On ne peut pas le partager. Voilà. L'amour que l'on voue à un autre doit être lié à son amour. Écoutez bien ce qu'il va dire. Là, parce que là, on va traiter une question très importante. Regardez ce qu'il dit. Ainsi, il faut aimer les messagers. Il faut aimer les prophètes. Il faut aimer les anges. Pour parfaire l'amour qu'on lui doit. Si on aime Allah Azza wa Jal, on doit aimer les prophètes et les messagers. Si on aime Allah Subhanahu wa Ta'ala, on doit aimer les anges. On doit les aimer pour parfaire l'amour qu'on lui doit. Cet amour est différent des polythéistes qui lui donnent dans l'adoration des rivaux auxquels ils vouent le même amour. C'est ce qu'on vient de souligner. Qala. Ainsi, le véritable sens de l'adoration, c'est d'aimer Allah. Et dès le temps, qu'est-ce qu'il dit? Quel est le véritable sens de l'adoration? Imaginez-vous une personne se renseigne sur l'islam. Il vous pose la question, c'est quoi votre religion? La religion de l'islam, c'est quoi le but du croyant? La religion, c'est d'adorer le Créateur. Il te pose la question, quel est le sens véritable de l'adoration? Tu ne peux pas rester stupéfait devant la question. Pourquoi? Parce que l'adoration, la réalisation de l'adoration, c'est ton sujet. C'est ton sujet, puisque tu as été créé pour celui-ci. Donc avant d'apprendre d'autres sujets, tu dois connaître le véritable sens de l'adoration. Il y en a qui sont spécialistes dans des questions. Si on lui pose cette simple question, quel est le véritable sens de l'adoration? Il va comme ça, il va commencer à être embrouillé un peu. Et si lui-même est perplexe et embrouillé, il va embrouiller celui qu'il y a face à lui. Ça, c'est des questions, c'est des questions très importantes. C'est pour ça que je m'arrête lorsqu'il y a des paroles vraiment très importantes. Regardez ce qu'il dit. Donc il dit, ainsi le véritable sens de l'adoration, c'est quoi? C'est d'aimer Allah. C'est d'aimer le Créateur. Le véritable sens de l'adoration. Ainsi, regardez ce qu'il dit, celle-ci n'est possible sans suivre ses obligations et s'éloigner de ses interdits. Donc pourquoi maintenant on observe les prescriptions? On accomplit les prescriptions de notre Créateur, les obligations. Et pourquoi on s'abstient des interdictions? C'est par amour pour notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Cet amour-là nous pousse à s'abstenir et s'éloigner des interdits. Et d'observer les obligations. Qala. Et donc il dit, se soumettre à ses commandements est le véritable paramètre. C'est ce qu'il va dire, pour vérifier l'authenticité de l'adoration et de son amour envers lui. Maintenant, si tu veux mettre en épreuve ton amour pour lui, tu veux voir, tu veux mettre à l'épreuve cet amour-là. Quel est le paramètre? Regardez ce qu'il dit l'auteur. C'est très pertinent. Il dit, le paramètre pour vérifier l'authenticité de l'adoration et de son amour envers lui, c'est ça. ta manière d'observer les prescriptions, de te soumettre à son ordre, dans l'accomplissement des commandements du Créateur, et ta manière de t'éloigner, de t'écarter des interdits. C'est pourquoi, regardez ce qu'il dit, pour Allah, suivre le prophète est l'indice révélateur et le témoin de cet amour. Subhanallah. Donc de ce fait, suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'indice révélateur, il dit, que tu aimes Allah, azza wa jalla. Si tu aimes le Créateur, tu dois suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, l'auteur va faire allusion à ce verset immense qui était nommé dans les premières générations par de grands érudits savantissimes et illustres savants qui l'ont nommé le verset de l'épreuve. Pourquoi le verset de l'épreuve? Parce que beaucoup de gens, la majorité des gens prétendent aimer le Créateur. Prétendre aimer le Créateur, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que le Créateur est satisfait de nous et nous agrée. Or, les grands savants disent, l'important, ce n'est pas seulement de prétendre, mais l'affaire, toute l'affaire, c'est que notre Créateur nous agrée et nous aime. Ça, c'est très important. Donc, aimer le Créateur, tout le monde peut prétendre aimer. Et, par exemple, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regardez, les polythéistes arabes de la Mecque, alors qu'ils faisaient subir au prophète Ansem et aux compagnons des supplices et des tourments, alors qu'ils étaient antagonistes et faisaient du mal aux messagers d'Allah, à côté eux prétendaient aimer Allah. Eux ils disaient qu'ils aimaient Allah Azza wa Jal. À l'époque, les gens prétendaient aimer le Créateur. Comme aujourd'hui et comme dans des générations précédentes, les gens prétendent aimer le Créateur. Donc prétendre, c'est une chose. Mais c'est pour ça que les grands théologiens, érudits dans les Écritures, disent que l'affaire, toute l'affaire, c'est d'atteindre l'agrément du Créateur. Ils disent Ash-shan kulla shan laysa annaka tuhib walakin ash-shan kulla shan annaka tuhab. L'affaire, toute l'affaire, ce n'est pas que toi tu aimes, malgré que tu dois, mais c'est dans le sens de dire que tu prétendes aimer. Prétendre et avoir la prétention d'aimer, tout le monde peut le faire. Ça, c'est simple. Mais l'affaire, toute l'affaire, annaka tuhab. Mais la véritable affaire, c'est que Allah Azza wa Jal t'aime. Et qu'il t'agrée. Et que tu lui plaises, qu'il soit satisfait de toi. Et donc, pour atteindre l'agrément d'Allah Azza wa Jal, il faut l'aimer. Et si on l'aime, maintenant, il y a un indice révélateur. Et témoin de cela, si vraiment on aime notre Créateur, alors le Coran souligne qu'on doit suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, dis, donc il s'adresse au prophète, dis-leur, parce qu'eux prétendaient aimer Allah, azza wa jalla, à l'époque des polythéistes arabes. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le contexte de l'époque. Ils prétendaient, ils adoraient Lat, Al-Uzza, Wahubal, et les différentes divinités qu'il y avait à la Mecque à l'époque, mais ils disaient au prophète, alors qu'il est l'élu d'Allah, azza wa jalla, ils lui disaient, nous on aime Allah. Qul, Allah dit, dis-leur, dis, si vraiment vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi donc, et Allah vous aimera. Et Allah vous aimera. Ensuite, l'auteur dit, suivre le prophète est donc la condition sine qua non pour prétendre aimer Allah et prétendre à son amour. Or, il est impossible de réaliser une chose soumise à une condition sans se soumettre à cette condition. Vous voyez, c'est très pertinent. Je vous la répète. Il dit, suivre le prophète est donc la condition sine qua non pour prétendre aimer Allah et prétendre à son amour. Or, il est possible de réaliser une chose soumise à une condition sans se soumettre à cette condition. Donc il dit, il est exclu de prétendre aimer Allah sans suivre son messager. Mais cela ne suffit pas non plus. L'auteur dit, il faut aimer Allah et son messager plus que quiconque. Il faut aimer Allah et son messager plus que quiconque. Il faut aimer Allah et son messager. En aimant une chose plus qu'Allah et son messager, on sombre ainsi dans l'association, dans le shirk. Alladhi la yurfar, qui n'est pas pardonné. Le polythéisme est impardonnable dans le Coran. Et donc Allah ne le pardonne pas. Allah révèle, dit, quand bien même ils étaient vos propres pères, vos enfants, etc., comme on avait cité lorsqu'on avait traduit ce passage-là de l'arabe au français. Et là, l'auteur continue. Et on va continuer dans l'explication. L'auteur va dire, nous enseigne que si vraiment on aime Allah, on avait lu toute cette partie, il nous reste que quelques éléments, je vais avancer dans le commentaire pour qu'on puisse continuer, mais on va s'arrêter sur quelques éléments très importants. Une belle faïda que va dire l'auteur de Ifadat al-Mustafid lorsqu'il va traduire la partie « Zannan minhu annahu la ya'mur wa la yahkum wa la yaqul illa ma qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fayuti'u wa yuhakam ilayh » L'auteur va nous dire, donc c'est pour cela que on suit la révélation, on se soumet aux ordres du Créateur, on suit la sunna et la tradition de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, l'auteur va dire, en revanche, il peut avoir accès à la sunna du prophète et avoir conscience qu'il met en avant d'autres enseignements qui s'opposent à tout. Cela, il daigne cependant se tourner vers la parole du prophète, ou tout au moins, vers celle d'un savant, plus à même d'être écouté. Il court dans ce cas-là un grand danger. Ensuite, regardez ce qu'il dit. Celui qui n'a aucune science, aucune perspicacité, aucun outil d'analyse sur lequel s'appuyer comme l'analogie ou autre, ne doit pas protester que son modèle est plus à même de pénétrer les intentions du prophète. Ce genre d'excuse est inutile. Il est possible de tenir ce discours avec un individu reconnaissant que personne n'est exempt d'erreur en dehors du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si ce dernier conteste ce principe, il n'y a plus de discussion à avoir avec lui et celui-ci encourt une menace terrible. Il peut malheureusement aller plus loin et se permettre d'insulter son adversaire et de porter atteinte à son honneur ou sa religion. Il peut même s'en prendre directement à sa personne en lui infligeant une punition ou en lui faisant des ennuis. Il se transforme ainsi en criminel et il se fait l'agent des pervers. Donc là, ensuite, l'auteur parle de ses mauvais comportements. Mais regardez ce qu'il dit. Et là, ce paragraphe est assez subtil. Il faut comprendre. On va revenir en arabe, et là, il y aura une très belle faïda. Après que l'auteur de Ifadat al-Mustafid, dans le commentaire, il commente la parole « Wa kullu man qaddama qawla ghayrillahi ala qawlillahi azza wa jal » Et donc, il va expliquer la partie. Donc, si on aime Allah azza wa jal, on ne peut pas faire devancer une parole devant celle du Créateur subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'il va expliquer lorsque l'auteur dit ولكن قد يشتبه الامر على من يقدم قول احد او حكم او طاعته او قوله ظنا من انه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول الا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيع. Et là l'auteur explique cette partie-là. Celui qui a aucune science, aucune perspicacité, aucun outil d'analyse sur lequel s'appuyer, comme l'analogie ou autre. Et il va dire, l'auteur va continuer dans ce qu'on vient de lire et ce qu'on vient de traduire. Et là, ظَنَّنْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَأْمُرْ وَلَا يَحْكُمْ وَلَا يَقُلْ إِلَّا مَا قَالَ الرَّسُولُ فَيُطِيعُ قَالَ فَبَعْضُهُمْ يَتَّبِعْ إِمَامًا ويقول إمامي ثقة لا يقول إلا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Parfois, ça peut arriver que le croyant, le musulman, n'a pas de connaissances. Et souvent, les gens de la masse manquent de connaissances, manquent de savoir. Et donc, ça peut arriver que la personne contredit l'enseignement du messager d'Allah. Contredit l'enseignement du messager d'Allah en pensant, lui, qu'il fait bien. Et en pensant qu'il est en cohérence, en conformité avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela peut se faire? Par exemple, il y a des gens qui suivent un imam. Un imam qui lui enseigne. Et lui ne sait pas qu'en réalité, l'imam est en train de lui enseigner quelque chose de contraire aux enseignements du messager d'Allah et avant au principe qu'il y a dans le Coran. Lui, il ne sait pas. Mais lui, il suit par exemple un shir, ou il suit un savant, que lui considère savant, mais il ne sait pas que ce qu'il fait est contraire aux enseignements du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, il a confiance en l'imam qui suit et au shir qui suit. C'est ça que l'auteur va expliquer ici. Il dit, enfin le commentateur va expliquer cette parole que l'auteur met en avant. يقول إمام ثقة لا يقول إلا ما قال الرسول ولا يخالف الرسول. Pourquoi il a confiance? Parce qu'il dit, moi, mon cheikh, mon imam, ne contredit pas le messager d'Allah. Il ne peut pas contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas aller à l'encontre de l'enseignement du prophète. Donc lui, il a une bonne pensée pour son imam ou pour son cheikh. Pour son cheikh. فيحسن الظن به فهذا خطأ على خطر عظيم. Et c'est ça que l'auteur met en avant, il dit ça c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. فَهَذَا خَطَى عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ. C'est ça lorsqu'il dit, celui-ci est dans un danger. C'est ce qu'on appelle le suivi aveugle. C'est ce qu'on appelle التَّقْلِيدَ الْأَعْمَى. Le suivi aveugle. قَالَ فَلَا يَحْمِلُهُ حَسْنَ الظَّنِ مِنْ دُونِ أَنْ يَتَمَيَّزْ هَلْ هُوَ عَلَى أَنْ يُمَيِّزْ هَلْ هُوَ عَلَى حَقْ أَوْ عَلَى بَاطِلٍ. Il dit, il ne faut pas que sa bonne opinion, la bonne opinion qu'il a de son cheikh, de son imam, il ne faut pas que cette bonne opinion le pousse, donc là je vous traduis hein, les paroles du savant, l'auteur de Ifadatul Mustafid. Il dit, cette bonne opinion qu'on a de son cheikh ou de son imam, il ne faut pas que ça le pousse à ne pas pouvoir distinguer est-ce que son cheikh, son imam est dans la vérité ou non. Il ne faut pas que cela, ta bonne opinion et ton bon préjugé te poussent à te tromper sur cela. Alors, قال وهذا يقولونها الآن. Et le cheikh, pourquoi il souligne cela? Il dit, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup te disent cela. Si tu leur apportes un enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va dire, mon imam m'a dit, mon cheikh m'a dit. Mais toi, tu lui dis, wa rasul qal. Oui, mais moi, mon cheikh, il m'a pas dit ça. Lakin ar-rasul qal. Ma huwa al-ilm? Qala Allah wa qala ar-rasul. Qala. Écoutez bien ce qu'il va dire. إذا قلت له يا أخي الصواب كذا وكذا والدليل كذا وكذا يقول فلان قال هذا وهو أعلم مني ومنك بالحق. Lorsque tu dis oui mais il y a le prophète dans un hadith, le prophète dit telle et telle chose, telle et telle chose, il veut dire oui je sais, mais moi mon cheikh ou mon imam que je suis, il dit cela, il dit telle et telle chose. Et il est plus savant que toi et que moi. Et ça, on voit que c'est présent dans notre communauté. Ça, c'est un sujet très important. C'est pour ça que je voulais vous faire partager ce passage-là. قال هم أعلم منا بها يقولون يعني أنت ليس لديك فهم ولا ذهن ولا عندك شيء وهذا لا يجوز إلا للعاجز الذي لا يمكن أن يعرف الحق. Et ça, cette parole-là, vous allez mieux comprendre, l'auteur va détailler. Cette parole-là, lorsqu'on est face à une vérité, une évidence. Mais nous, notre imam nous a dit telle et telle chose, ou notre cheikh nous a dit telle et telle chose. À ce moment-là, il y a deux cas. Soit tu es une personne qui est incapable, tu n'as pas la capacité de pouvoir savoir le vrai du faux. C'est une chose. Soit tu es une personne qui a la capacité de pouvoir essayer de comprendre et de chercher. Donc là, on est face à deux catégories. On est face à deux catégories. Par exemple, une personne prie d'une telle manière dans la mosquée. Il prie d'une telle manière. Sa manière dont il prie n'est pas la manière enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de, et on est là pour apprendre, on apprend tous ensemble, mais la majorité, Si vous réfléchissez sur votre prière, vous avez appris où ? Aina ta'allamtum ? Est-ce que vous priez comme le prophète ? Sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est votre preuve que vous priez comme le prophète ? Sallallahu alayhi wa sallam. La seule preuve, c'est de revenir à sa sunna, sa tradition, au texte. Qui est-ce qui vous dit que vous levez les mains au moment qu'il faille lever les mains et au bel endroit, à la belle position? Vous avez appris parce que vous avez vu, on vous a dit, vous avez vu les textes. Le prophète Hassan nous dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli ». Aujourd'hui, beaucoup vont vous dire « Ya ikhwa, oh mes frères, ça c'est des détails. Il y a d'autres sujets plus importants. » Ils vont vous dire « Il y a d'autres sujets plus importants. » C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fractions ensuite qui ont traité de sujets plus importants. Pour eux. Mais si déjà notre prière, on ne sait pas la prier comme le prophète, cette chose, cette adoration qui est le deuxième pilier de l'islam, l'islam, on ne sait pas l'accomplir. On l'accomplit minimum 5 fois par jour. On ne sait pas l'accomplir comme le prophète l'accomplissait. Le prophète nous dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Si déjà notre prière, on ne la prie pas comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va revendiquer de quoi? Après cela, on va parler de quoi? Notre prière. C'est quoi la première chose à laquelle on sera jugé, Yom al-Qiyam? As-salah. Après, s'il y en a d'autres qui pensent qu'il y a des sujets plus importants, c'est leur opinion. Mais nous, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit la première chose, « Awwal ma yuhasab al-abd, Yom al-Qiyam fi as-salah ». La première chose dont il sera jugé, ça sera sa prière. Moi, la première chose dans laquelle je serai jugé, c'est pas pour qui j'ai voté. On ne va pas m'interroger. Moi, la première chose sur laquelle on va m'interroger, c'est la prière. As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Le prophète, ensemble, avant de mourir, disait as-salat, as-salah. Vous avez vu, malade, qu'est-ce que faisait le prophète, ensemble ? Malade, il sortait dans son appartement, mettait sa tête et regardait ses compagnons, lors de la prière, lorsqu'il priait. Ensuite, lorsqu'il les voyait qu'il priait, il rentrait dans son appartement. As-salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Votre prière, la prière, la prière. Donc, par exemple, la prière, il faut la prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de la prier. Est-ce qu'on lève les mains au bel endroit? Est-ce qu'on pose les mains au bon endroit? Est-ce qu'on se prosterne comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterne? C'est très important. C'est très important. لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة القائمة محمد الوسيلة On termine très rapidement cette question qui est très importante. Nous tous, on se pose cette question. Elle est très importante pour nous. Donc là, je vous ai donné un exemple. Si par exemple pour la prière. Pour la prière, Shir, il nous enseigne une chose dans la prière, par exemple. Ou l'imam que vous suivez vous enseigne une chose dans la prière. Qala. Donc moi, je vous donne un exemple pour qu'on puisse comprendre la parole de l'auteur, vous allez comprendre. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut suivre, est-ce que je suis l'imam, je suis le shir, je ne suis pas. Il y a deux catégories. Il y a celui qui a la possibilité de chercher, de comprendre. Et là, il voit que l'imam, le shir, il lui a dit quelque chose de conforme. Ce qu'il lui dit, c'est le haq. Alors il suit. Ou bien il voit que l'imam lui a dit quelque chose de contraire à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il ne suit pas. Il a la capacité de pouvoir comprendre et de pouvoir distinguer. Regardez l'auteur ce qu'il va dire. إذا كان عاجزا عن معرفة الحق وطلبه فيختار من يثق بعلمه ودينه ويقلده لا بأس. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الذي عنده مقدرة على أنه يبحث ويعرف الحق ويعرف دليل إمامه الذي يقلده فيجب عليه ذلك ولا يكون إمعاه ولا يعتقد العصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم فالإمام الجليل من أهل العلم والسلف قد يخطي لأنه بشر فما دام عندك إمكانية فلا تعجز عن طلب الحق ولا تقلد أحدا إما إذا كنت لا تقدر على هذا وليس لك أو عندك إمكانية فقلد من تثق بعلمه ودينه وهذا معنى قوله فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك إذا لم يقدر على غير ذلك فهو معذور قال فاتقوا الله ما استطعتم وهذا لا يستطيع غير هذا c'est très pertinent ce qu'il dit. Là, les savants nous enseignent. Si par contre, tu n'as pas la capacité de pouvoir distinguer entre le vrai et le faux. Alors dans ce cas-là, les savants te disent, si tu n'as pas la capacité, alors là, Naram, tu suis une personne de confiance. C'est une personne dont tu as confiance en son savoir et en sa religion, en ses compétences. Une personne dont tu as confiance. Et là, si tu n'as pas la capacité de pouvoir comprendre, apprendre et distinguer entre le vrai et le faux, alors tu suis une personne dont tu as confiance, un cheikh, un savant, dont tu as confiance en sa science, en son savoir, en sa maîtrise, tu lui poses la question et tu suis. Dans ce cas-là, la baisse. Les savants disent, il n'y a pas de mal. Pourquoi ? Parce qu'Allah dit, fas'alou ahl dhikr in kuntum la ta'lamoun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Tu ne sais pas, tu demandes à qui ? Au cheikh. Cheikh. Lakin, mais, la tas'al jahilan. Men huwa ajhalu mink. Ne demande pas aussi à quelqu'un d'ignorant, qui parfois peut être plus ignorant que toi. Demande à une personne savante. Une personne savante. Et donc là, lorsqu'on ne sait pas, nas'alu man, on demande à qui ? Ahl al-dhikr. On demande aux gens du rappel. Alladhi yutqin hadhihi al-masail. Wa 'indahu imkaniyat. Wa 'indahu ahliya. Wa ta'ammuq fi dirasati هذه المسائل فالمتقن لهذه المسائل والعالم المتعمق في دراسة المسائل الفقهية والدينية والشرعية نسأله On lui pose la question. Celui qui a la capacité de pouvoir ensuite distinguer, de voir le vrai du faux, ça c'est une obligation. C'est une obligation. Mais sinon, on demande à un shir. Mais il faut avoir confiance en sa science, une personne renommée. Par exemple, nous on n'est pas savants. Comment on peut savoir qu'un savant on peut le suivre ? Lorsque d'autres théologiens, d'autres savants ont dit que ce savant est un imminent savant qu'on peut suivre. Et là, les savants disent à ce moment-là, on peut suivre. Voilà, ben, il n'y a pas de mal en cela. Mais en sachant que tout le monde peut faire des erreurs. Le seul qui ne fait pas d'erreur, c'est qui ? Al-Ma'soum, elle a dit, Nadda'i lahu l'isma, c'est qui ? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, on peut prétendre l'infaillibilité pour personne. L'infaillibilité, elle n'appartient que, il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les questions de religion est infaillible. Dans les questions de religion est infaillible. Ensuite, pour terminer, pour des questions de prière, donc ce qu'il faut suivre, c'est prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Ensuite, par contre, parfois, les savants, dans leur interprétation des textes, peuvent diverger dans la compréhension. Donc là, lorsque اختلف العلماء في مسألة ما, إذا اختلف العلماء في مسألة ما, مثلا المسألة في الصلاة, مسألة في الصلاة مثلا, العلماء يقولون بعض المسائل يسوغ فيها الاختلاف والاجتهاد, وبعض المسائل لا يسوغ فيها الاجتهاد. Il y a des مسائل يسوغ فيها الاجتهاد. Il y a des questions religieuses où le savant il a droit de faire un effort de réflexion et d'interprétation. Ou bard al-masail la yasur fi al-ijtihad. Dans des questions qui yasur fi al-ijtihad comme bard al-masail fi as-salat, comme certaines questions dans la prière. Est-ce que mathalan fi at-tashahhud? Est-ce que je bouge le doigt ou je bouge pas le doigt? Min al-ulama man qala bit-tahrik. Il y a des savants qui disent qu'on bouge le doigt lorsqu'on fait at-tashahhud. Wa minhum man lam yara at-tahrik fi at-tashahhud. Wa hadha ala hasab al-fahm al-hadith wa kadhalika الرأي في درجة الحديث ومن العلماء من قال بهذا الحديث بالتحريك وضعيف. Il y a des savants qui considèrent que lorsqu'il est dit de bouger le doigt, que c'est faible. الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه. كان يشير. Il faisait montrer. Et d'autres savants considèrent que il y a une version qui dit qu'il bougeait, qu'elle est authentique. Qu'elle est authentique. Donc là, لا إنكار في مسائل الخلاف هذه قاعدة. Dans ce cas-là, il n'y a pas de désaveu, il n'y a pas à désapprouver. من العلماء من يقول بالتحريك ومنهم من لم يقول بالتحريك. لا إنكار في مسائل الخلاف. ممكن نتحاور, نتبادل, نأتي الناس كل الأدلة ونتحاور في بعض المسائل الفقهية, لكن لا إنكار, بلا إنكار, لا إنكار في مسائل الخلاف. مثلا lorsqu'on revient du ركوع, on est raki'an. On revient du recours. Est-ce que je remets les mains sur la poitrine ou non? Ikhtalaf al-ulama. Les savants divergeaient. Certains ont vu qu'on remet les mains sur la poitrine et d'autres ont vu qu'on peut laisser le long du corps. Là, la inkara fi masail al-khilaf. Ça, c'est des masail où ikhtalaf al-ulama fi fahm al-hadith. Lakin ittafaqu fi shay. Mais se sont mis d'accord sur quelque chose. De suivre le hadith, ittiba al-dalil. Ittafaq al-ulama ala hadhihi al-mas'ala al-'azima, ittiba al-dalil. Lam yakhtalifu fi hadhihi al-mas'ala, ittiba al-dalil, lakin ikhtalafu fi fahm al-hadith wa fi ta'wil al-hadith. Mais leur divergence n'est pas sur le suivi du hadith du prophète en somme, mais la divergence est sur la compréhension du hadith du prophète sallallahu alayhi wa ala. Donc, tant que les savants ont dit une chose, on peut le faire. Vous rentrez à la mosquée juste avant le maghreb. On est dans un temps de waqt nahi. On est dans un temps d'interdiction. Donc, pour beaucoup de savants, temps d'interdiction, on ne peut pas faire raka'atayn. Raka'atayn, on ne peut pas les faire dans un temps d'interdiction. Mais la personne qui rentre à la mosquée veut faire tahiyat al-masjid. Il veut faire la salutation. On termine cette question. La personne veut faire tahiyat al-masjid. Min al-madhahib, min al-ulama al-madhahib, man yujiz wa yara bi tahiyat al-masjid walau kana fi waqt al-nahi. Wa yusammuna hadhihi as-salawat dhawat al-asbab. Dhawat al-asbab. Toutes les prières qui ont une cause, comme tahiyat al-masjid, les deux rak'at qu'on fait après les ablutions par exemple, les istikhara par exemple, ça a une cause. On fait ces deux rakats pour une cause. Certains savants disent qu'on peut les faire walaw fi waqt an-nahy. Donc certains savants permettent. D'autres savants disent là walaw fi walaw kanat hadhihi as-salawat min dhawat al-asbab min dhawat al-asbab la tusalla fi waqt an-nahy. Wa min al-ulama man yaqul bi hadha. Wa hadha ma'ruf 'inda al-malikiyya mathalan. Là, si une personne, lui, il a demandé à un grand cheikh, il a demandé à un grand savant. Le grand savant, il lui a dit, tu peux faire tahiyyat al-masjid, walaw fi waqt an-nahy. Idha dakhalt al-masjid, l'anna nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, la tajlis, ne t'assis pas dans la mosquée tant que tu n'as pas fait deux unités de prière. Donc tu rentres dans la mosquée, tu veux t'asseoir, lakin waqt an-nahy. Qu'est-ce que tu fais? Fas'al. Tu demandes, ahl al-ilm, fas'al ou ahl al-dhikr, in kuntum la ta'lamoun. Si un cheikh t'a dit, ijlis. Ijlis ou la tsalli. Hada madhab. Hada qol min al-ulama. Ou hada mu'atabar. C'est considéré. On ahtarim al-ulama ou al-mashaykh. Hada ray wa qol min al-ulama al-kibar. Si la personne voit que c'est un temps d'interdiction, il ne fait pas les deux unités, à ce moment-là, c'est un avis respectable. Mais celui qui rentre, qui voit, lui, il a appris des ulama qui lui ont dit « Tu salis tahiyyat al-masjid hadi, la tajlis fil masjid, bila tahiyyat al-masjid. » Et lui, il voit qu'il faut les prier « La inkara fi masail al-khilaf, la naqtalif fi hadi al-masail. » On ne se divise pas. Mais on a droit de dialoguer et de rapporter les preuves. Donc, pour terminer, lorsqu'on ne sait pas, on demande au savant. Si le shir, qui on a confiance pour son savoir, il nous dit une chose, on peut suivre. On suit. Wa nukmil baqiyat al-hadith fi halqatin qadima wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.